quelques poils sur le menton et un petit bidon. Quelques cheveux blonds manquent sur ton front. Tu as l'âge d'être un patron, mais tu te fais de plus en plus con. La trentaine, quelle aubaine. Fini l'adolescence, vive la délinquance. D'argent pour des joints, toute ton énergie concentrée dans le rien. Pas de femme ni de chien, mais un gros flingue pour faire le malin. Dépêche-toi, à 40 ans, tu rentres dans les rangs.